Activité 2C. 1. Chemisier. 2. Melon. 3. Message. 4. Cheval. 5. Cherche. 6. Terre. 7. Mesure. 8. Presse. 9. Perle. 10. Pelote.